préparant cette séance-là, quelle place pour l'université dans l'enseignement supérieur, je me suis rendu compte que cette question pouvait être interprétée d'un double point de vue, positif et normatif. Et je pensais à la célèbre formule de Sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, rien que doit-il être tout, c'est à peu près la même chose. Quelle place occupe l'université dans l'enseignement supérieur? Une place totalement en voie de marginalisation. Quelle place l'université doit-elle occuper, être au cœur de l'enseignement supérieur? Voilà en gros un peu ce que j'entends dire. Il s'agit bien évidemment de propos engagés. Vous avez rappelé effectivement dans quel contexte ils ont été formulés. Ça a été une succession, je le dis un peu pour faire ici cette auto-histoire. Alain Caillé souhaitait faire un numéro de la revue du MOS sur l'université. J'avais contribué à la réflexion sur ce numéro à travers, finalement, dans mon expérience d'enseignant-chercheur, dans les différents postes que j'ai occupés, ce mécanisme de marginalisation de l'université m'était apparu très très clairement. Mais bon, dans le cadre de ce numéro, j'avais essayé d'en trouver un peu les... fondé un peu statistiquement, et j'avais donc publié un gros article sur ce sujet-là, et ainsi que donc 11 propositions de réforme, propositions qui étaient faites directement en s'appuyant sur le diagnostic historique et statistique. Et c'est ce matériau qui a... Bon, il se trouve que le numéro de la revue du MOS est paru au moment où le mouvement des universitaires de 2009 démarrait, que nous avons pensé sur cette base-là, qu'il y aurait peut-être moyen de réunir des gens d'orientation extrêmement diverses pour discuter autour de ces propositions. Et c'est de là qu'est sorti donc ce manifeste appelant une refondation de l'université, qui est sorti à peu près au milieu du mouvement de l'an dernier dans Le Monde, qui avait recueilli à ce moment-là à peu près 5000 signatures. Il faut que je parle plus fort. Oui, non, vous m'excusez, parce que moi, je me semble que je parle en général assez fort. Donc là, il faut vraiment y aller. Qui avait recueilli à peu près 5000 signatures, qui avait été discuté ici même, hein, dans l'amphi, lors d'une réunion où étaient présents justement Marcel Gaucher, Olivier Beau, Alain Caillé. Et à l'initiative d'Olivier Beau, on a pensé que ça serait important d'essayer de maintenir un peu la flamme de cette réflexion, d'enfoncer un peu le coin de notre diagnostic et de nos propositions. Et c'est ce qui nous a amené à rédiger un ouvrage un peu rapidement, qui est un ouvrage d'intervention. On a essayé de réunir nos éléments de diagnostic, donc toujours sur ce qui est un peu un slogan, hein, refonder l'université, vous m'excusez. Voilà, on est là quand même dans une logique d'intervention politique, d'essayer de faire réfléchir la communauté et les décideurs sur les problèmes qui se posent, avec toujours, dans ma démarche en tout cas, comment dirais-je, une volonté de fonder ça de la façon la plus raisonnée possible sur un plan sociologique, hein, et d'apporter mes compétences de sociologue à la compréhension du problème, donc à la fois dans la prise en considération de l'histoire de notre institution, mais aussi d'éléments statistiques, et je dirais, on va y revenir, de raisonnements qui sont en partie empruntés à la sociologie économique pour essayer de comprendre finalement comment s'organise une concurrence dans un espace comme ça, où il n'y a pas de concurrence par les prix, mais il y a des dispositifs de concurrence qui conduisent à la configuration d'une certaine manière du champ. Alors, ceci n'est pas sans importance sur l'articulation entre les problèmes que je vais évoquer là et puis ceux qui sont évoqués tout à l'heure par Annie Vignocourt, tel que vous avez présenté la chose. Parce qu'au fond, l'inquiétude qui est la mienne, hein, je suis tout à fait sensible à toute une série de réflexions autour des formes de New Public Management, autour de cet utilitarisme de l'enseignement supérieur. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à prendre ça, je dirais, simplement par le haut, alors qu'on est quand même dans une configuration où il y a un public qui vote d'une certaine manière avec ses pieds, dans le système de contraintes qui est le nôtre. Et donc, il y a un danger à ne réfléchir que sur l'université en tant que telle. C'est d'ailleurs le principal reproche que je fais aux réformes en cours, à la loi LRU elle-même. En gros, le diagnostic de nos gouvernants, c'est, voilà, on a un enseignement supérieur en France qui est divers, avec des segments qui fonctionnent, voilà, les IUT, ça fonctionne, les écoles de commerce, ça fonctionne, les écoles d'ingénieurs, ça fonctionne, et puis on a un grand homme malade qui est l'université, et c'est celui-là qu'il faudrait réformer, alors que le reste, ça fonctionne. Or, je pense qu'il y a là une erreur de diagnostic totale, erreur ou hypocrisie, je n'en sais rien, suivant les personnes, c'est de l'erreur ou de l'hypocrisie. Et la situation de crise qui est celle de l'université est liée précisément à son positionnement dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que de prétendre régler la question de l'université sans essayer de comprendre la dynamique d'ensemble du système, c'est poser une emplâtre sur une jambe de bois. Et c'est véritablement les critiques absolument fondamentales, indépendamment du choix des réformes adoptées, et sur le principe même de réformes qui ne s'appliquent qu'à l'université, c'est la critique fondamentale que je fais à la loi LRU, qui consiste à penser que c'est parce qu'on modifierait les modes de gouvernance des universités, c'est parce qu'on modifierait les modes de recrutement des enseignants-chercheurs, qu'on réglerait le problème, alors que le problème est d'abord celle de la structuration d'ensemble de l'enseignement supérieur et finalement de la façon dont le public se répartit et dont les différents titres sont reconnus, crédibilisés ou pas. Alors, je commence par quelques éléments statistiques. Alors, effectivement, je suis désolé, j'aurais pu faire un PowerPoint, mais je ne savais pas si nous étions équipés pour ça, pour présenter les données. Ce que je vais faire, j'ai amené deux exemplaires du volume et je fais circuler un où j'ai mis un signet sur le chapitre 3 où ces éléments statistiques sont présentés. Alors, quand on demande quelle place l'université d'enseignement supérieur français, en général, la question qui apparaît immédiatement, c'est la dualité université-grandes écoles. Ça, c'est un leitmotiv, et c'est un leitmotiv qui est employé en général pour dire, oui, mais c'est ce que, dans l'esprit de ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas casser ce qui marche, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, j'ai encore vu ça, c'est exactement la critique qui est faite de notre ouvrage sur le site de Sauvons la Recherche, ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Or, aujourd'hui, cette réflexion en termes de dualité entre université et grandes écoles est tout à fait factice parce qu'on ne sait plus ce que c'est que les grandes écoles. Il y a les grandes écoles, mais il y a aussi les moyennes, les petites, les minuscules, et on est dans un système où les moyennes se cachent derrière les grandes, les petites derrière les moyennes, les minuscules derrière les petites, dans une espèce d'expérience tension infinie qui évoque un peu les castes indiennes. Par ailleurs, la question des grandes écoles, c'est aussi celle des systèmes qui sont associés, notamment le système des classes préparatoires, et au-delà de ça, donc, le développement d'un enseignement post-bac dans les lycées, qui est absolument considérable, car ce ne sont pas uniquement les classes préparatoires, mais ce sont aussi les classes de STS, les sections techniciens supérieurs, hein, qui donnent les diplômes de BTS. Et puis enfin, on a donc les IUT qui sont intégrés institutionnellement dans les universités, mais qui fonctionnent de façon beaucoup plus proche des STS que de l'enseignement universitaire, notamment du fait du fonctionnement en classe et de la capacité à sélectionner le public à l'entrée, qui est un droit partagé par toutes les institutions d'enseignement supérieur, sauf l'université, puisque l'université est chargée d'accueillir tous les bacheliers, le baccalauréat étant, je vous le rappelle, le premier diplôme universitaire. Alors, on peut, pour penser ces questions, voir ce qui s'est joué depuis 30 ans autour de ces questions, il est très intéressant de relire le texte de Raymond Boudon, qui doit dater de 1973, si mes souvenirs sont bons, qui diagnostiquait l'échec de l'enseignement supérieur court. Boudon, en 73, disait, voilà, ça ne peut pas marcher, c'est un échec. Alors, c'est très intéressant, c'est un exercice, si on avait le temps, un exercice qu'il faudrait faire pour montrer pourquoi un grand sociologue, je veux dire, qui est vraiment sur son terrain de prédilection pour essayer de montrer comment ce genre de choses fonctionne, se trompe lourdement sur cette question-là, au moment où sont mis en place les IUT, qui vont connaître le succès que l'on sait. parce que il est convaincu, par hypothèse, que ça ne sera jamais véritablement crédible et que la crédibilité restera toujours dans l'université proprement dite. Si j'essaye de prendre globalement ce qui s'est joué au cours de ces 30 ans, on peut l'analyser avec un schéma très simple, qui est celui de la courbe des sorties de baccalauréat, qui est une courbe qui est marquée par une inflexion, c'est-à-dire qu'on a une croissance exponentielle du nombre de bacheliers jusqu'au milieu des années 90, et ensuite on arrive sur un plateau. Or, il faut croiser cette courbe avec une autre courbe, qui est celle des formations d'enseignement supérieur non universitaire, qui, elles, se trouvent sur un train d'ascendant constant. Quand on croise ces deux courbes, eh bien, on en voit tout de suite la conséquence, c'est l'effondrement des effectifs d'étudiants universitaires à partir du milieu des années 90, et effondrement qui s'est poursuivi depuis. Alors, immédiatement ici, petite parenthèse qui est assez amusante, c'est que notre ministre, lors du mouvement de 2009, avait menacé les universitaires en disant « Regardez avec les conneries que vous faites, vos effectifs vont fondre ». Elle n'avait pas de mal à faire ce diagnostic, puisqu'il suffisait qu'elle poursuive la courbe existante. Et, pas de chance, les effectifs ont cru en 2009 et encore en 2010. Alors, en 2009, elle n'a pas trop, communiqué sur le sujet. Mais en 2010, elle a communiqué en disant, vous voyez, mes réformes sont efficaces, l'université retrouve sa splendeur passée. Bon. Il est bien clair que cette augmentation apparente des effectifs en 2009 et en 2010, il faudra un petit moment pour le montrer de façon ajustée, mais sont un effet direct de la crise, d'une augmentation du taux de chômage des jeunes et donc d'un basculement, car c'est bien un des problèmes. L'université a été utilisée depuis 30 ans par les pouvoirs publics successifs comme un instrument assez peu coûteux pour garantir un filet de protection sociale minimum. Hein, pour tous ceux qui n'atteignaient pas le baccalauréat, on avait les missions locales, les dispositifs d'insertion. Pour ceux qui avaient le baccalauréat, l'université était là pour accueillir, pour offrir d'abord la sécurité sociale étudiante, pour offrir les bourses sur critères de revenus, et de fournir donc ce filet de protection sociale peu coûteux. Donc, on comprend bien que quand la situation sur le marché du travail se détériore, eh bien, on voit augmenter les effectifs d'entrée en première année. Second point qu'il faut évoquer de ce point de vue-là, quand on regarde donc cette chute des effectifs à partir du milieu des années 90, on peut voir qu'on a une pente qui est absolument parallèle pour les sciences et pour les lettres et sciences humaines. Je dis ça parce que ce sont les scientifiques qui, les premiers, ont tiré la sonnette d'alarme là-dessus et qui ont vu une désaffection pour les études scientifiques. En fait, la courbe des sciences et la courbe des lettres et des sciences humaines est exactement la même. Les seuls secteurs qui sont en contre-tendance, c'est le secteur médecine-pharmacie, qui a bénéficié d'un desserrement du numerus clausus, et le secteur de droit, pour lequel il y a eu une vague remontée. On a une stabilisation du secteur économie-gestion, c'est essentiellement la gestion, là les statistiques ne permettent pas de bien voir ce qui se passe. Où vont les bacheliers qui ne vont plus à l'université? On a là, sur le site du ministère, vous pouvez le trouver, on a une étude de la direction de l'évaluation et de la prospective, je sais, j'arrive jamais à me souvenir comment ça s'appelle ce machin, ça porte un très beau nom pourtant, la direction de l'évaluation de la perspective et de la performance du ministère de l'enseignement supérieur, enfin non, du ministère de l'éducation nationale, hein, ça ne porte pas une formation supérieure, qui compare deux cohortes de bacheliers, celle de 1996 et celle de 2008. Ils fournissent, hein, vous, ceux qui ont le livre, hein, peuvent voir, c'est page 129 du livre, le tableau, qui montre donc, qui distribue l'entrée de ces bacheliers de l'année 2008 et 96, en distinguant l'ensemble des bacheliers, les bacheliers généraux, les bacheliers technologiques, les bacheliers professionnels, et en distinguant donc la licence universitaire hors médecine-pharmacie, les classes préparatoires, IUT, STS, autre formation supérieure, autre formation non supérieure. Si je prends pour l'ensemble des bacheliers, que j'exclus donc le secteur médecine-pharmacie, le pourcentage, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là je vous donne des pourcentages, mais de fait de la courbe, l'effectif est à peu près le même. Donc vous pouvez considérer ça aussi en gros comme des variations absolues, pas uniquement des variations en pourcentage. Si je prends la licence universitaire, taux d'entrée à l'université pour l'ensemble des bacheliers passe de 36 à 24%. Si je ne considère que les bacheliers généraux, ça passe de 50 à 35%. Donc l'évolution est la même. Ce n'est pas la montée en puissance des bacs professionnels qui explique cette chute. L'évolution est la même, mais donc à des taux différents. Où vont-ils ? Alors, je vous l'ai dit, il y a une augmentation du secteur médecine-pharmacie qui passe de 4 à 7% pour l'ensemble des bacheliers et de 6 à 11% si je ne prends que les bacheliers généraux. Les classes préparatoires, ça reste stable. 8% pour l'ensemble des bacheliers, ça passe de 13 à 12% si je prends uniquement les bacheliers généraux. Les IUT de même, 9% pour l'ensemble des bacheliers, passe de 10 à 11% si je ne m'intéresse qu'aux bacheliers généraux. Donc là, on est dans une logique de l'offre qui n'a pas beaucoup bougé. Les sections de techniciens supérieurs augmentent un peu, passent de 21 à 23% pour l'ensemble des bacheliers, de 9 à 8%, baissent un peu pour les bacheliers généraux. Mais bon. Et surtout, et c'est là que je vais en venir, qu'est-ce qui augmente ? Ce qui est pudiquement appelé ici « autre formation supérieure ». Autre formation supérieure passe de 7 à 14% pour l'ensemble des bacheliers, de 9 à 17% si je ne prends que les bacheliers généraux. Alors, je vous demande de retenir ces chiffres parce que si je prends l'ensemble des bacheliers, j'ai 14% autres formations supérieures contre 24% licence universitaire hors médecine-pharmacie. Si je prends pour les bacheliers généraux, j'ai 17% autres formations supérieures contre 35% licence universitaire. Qu'est-ce que c'est que autres formations supérieures ? C'est un enseignement supérieur privé, payant, étroitement à visée, étroitement professionnelle, avec une qualité, je dirais, d'enseignement qui n'est certifié par rien du tout. Autrement dit, ce qui m'importe dans cette affaire-là, c'est que on voit bien que la tendance qui a cours conduit à la privatisation rampante de l'enseignement supérieur, donc à un système qui devient socialement de plus en plus injuste, avec de nombreuses familles qui se saignent pour envoyer leurs enfants dans ce type d'établissement, en considérant que ça sera toujours mieux que l'université, et en même temps quelque chose qui est culturellement et scientifiquement désastreux. Alors pourquoi cette fuite ? C'est clairement lié à ce qu'on peut appeler la perte de crédit de l'université, qui est marquée par deux reproches contradictoires. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. On fait à l'université, de façon commune, deux reproches qui sont totalement contradictoires et qui, pour autant, dans la connaissance commune, paraissent combinés et cohérents. Premier reproche, l'université, c'est mauvais. Regardez, tout le monde a le droit d'y rentrer. Par définition, si tout le monde a le droit d'y rentrer, c'est ça ne vaut rien. Deuxièmement, vous voulez la preuve que c'est mauvais ? Bien, regardez le taux d'échec. Je veux dire, ça montre bien qu'on n'arrive pas à former les gens puisqu'ils échouent. Je veux dire, la combinaison de ces deux critiques est quand même assez étonnante parce qu'on voit bien que ce qui est en jeu, c'est bien évidemment que l'université, ne disposant pas de la capacité à sélectionner son public à l'entrée, le sélectionne dans le cours du cursus. Là où, dans d'autres systèmes, effectivement, on a une sélection en amont et une gestion tubulaire des effectifs. Qui n'est d'ailleurs pas, en général, favorable à la formation, car on sait bien que dans de nombreuses écoles, on ne sait pas grand-chose une fois qu'on est rentré dedans, puisque le titre est acquis au moment de l'entrée, et peu importe finalement ce qu'on fait après. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce résultat totalement contraire à celui qu'imaginait Boudon en 73, c'est-à-dire que les formations les plus exigeantes deviennent les moins désirables. L'absence de sélection à l'entrée constituant un signal négatif. Ce qui est tout à fait suggestif et important, que je voudrais souligner ici, c'est qu'on retrouve la perversion de ce système au sommet même du dispositif. Si on regarde ce qui se joue à propos de la formation doctorale. Le pourcentage de doctorants en France par rapport à la population est plus faible que dans les autres pays de développement comparable. Et pourtant, les études du CEREC qui regardent la situation des doctorants, enfin la situation des diplômés 3 ans après leur diplôme, montrent une situation particulièrement défavorable des doctorants en France, puisqu'ils n'ont aucun avantage sur le marché du travail par rapport aux titulaires d'un master pro, voire un peu inférieur parfois. Ce qu'on peut mesurer, par exemple, en termes de taux de chômage. On n'aille pas dire que c'est l'effet de tous ces docteurs en lettres, sciences humaines qui ne servent à rien. La discipline où le taux de chômage des docteurs 3 ans après leur thèse est le plus élevé, c'est la chimie, avec 15% de taux de chômage. La réponse, l'explication de ce paradoxe est assez facile à trouver, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toute l'élite est recrutée au niveau du baccalauréat des classes préparatoires, de l'entrée dans les écoles dès l'âge de 18-20 ans, il n'y a pas de place sur le marché du travail français de niveau supérieur pour des gens qui arrivent avec une poursuite longue d'études, une réflexivité importante, etc. D'où ce goulet d'étranglement d'un doctorat en France qui est orienté uniquement vers l'enseignement supérieur et la recherche. Vous m'excusez, je vais très vite là-dessus. Quelques mots sur les voies de solution, c'est-à-dire comment effectivement imaginer qu'on peut inverser cette dynamique catastrophique. La première chose qui me paraît absolument essentielle, c'est d'aller vers un vrai service public d'enseignement supérieur. Quand j'entends service public, je veux dire par là que on est amené aujourd'hui à considérer qu'on a, dans l'enseignement supérieur français, affaire à des opérateurs de statuts juridiques divers, privés, publics, semi-publics. Mais on n'a aucune régulation d'ensemble de ce dispositif avec un ministère d'enseignement supérieur qui n'est qu'un ministère des universités, qui ne contrôle même pas l'ensemble du secteur public, puisque on a une large partie de la formation qui relève de fait de l'enseignement secondaire. Et puis, on a ceux qui relèvent des chambres de commerce, ceux qui relèvent des autres ministères dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. On a une intervention des collectivités locales de différentes manières, etc. Encore une fois, sans régulation d'ensemble. J'aimerais ne serait-ce que avoir ce que les comptables nationaux appellent des comptes consolidés, pour savoir aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur en France, qu'est-ce qui est financé par l'État, qu'est-ce qui est financé par les collectivités locales, qu'est-ce qui est financé par les entreprises, qu'est-ce qui est financé par les chambres consulaires, qu'est-ce qui est financé par les familles. Ne serait-ce que des données de ce type-là, pour avoir le paysage d'ensemble, on ne l'a pas. On risque de se trouver vers une situation totalement burlesque, avec le développement de toutes ces formations que j'évoquais, sur lesquels on n'a pas encore une fois de certification claire de la qualité de ce qui est fourni, mais pas non plus de certitude sur la solvabilisation. Je lisais dans le journal cet été ou cet automne là, la première faillite d'une école de journalisme. Je pense qu'on va assister de plus en plus à des événements de ce type-là parce que on n'imagine pas les conditions de financement de cet enseignement supérieur privé qui est en train de se développer. Et de l'autre côté, paradoxalement, l'université va coûter de plus en plus cher à la nation pour avoir un rôle de plus en plus secondaire dans la formation supérieure des jeunes Français. Donc, gâchis culturel, gâchis économique, gâchis social. Il faut donc mettre en place ce système de régulation d'ensemble, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tous les jeunes Français doivent pouvoir accéder à un enseignement supérieur ne doit pas, de mon point de vue, être mise en cause, mais ça ne veut pas dire que cet enseignement supérieur devrait être forcément, exclusivement, celui donné par l'université dans une logique où l'université sert de voiture balai, c'est-à-dire une fois que toutes les autres formations se sont servies, cette obligation ne porterait que sur l'université qui serait chargée finalement d'accueillir le public qui n'aurait pas trouvé de place ailleurs. Donc il faut arriver à penser la régulation d'ensemble en fonction à la fois des attitudes et des désirs des différentes fractions de la jeunesse dans les différents dispositifs, de telle sorte que l'université redevienne effectivement le cœur intellectuel, c'est-à-dire celui où l'on va parce que l'on désire poursuivre des études supérieures longues, exigeantes et liées à la recherche, qui de ce fait peut irriguer l'ensemble de l'enseignement supérieur, parce que on risque d'aboutir à des situations extrêmement difficiles, car tous ces établissements, d'une certaine manière, vivent en parasitisme de l'université. J'avais rencontré une fois des jeunes filles qui étaient dans une école qui préparait au métier des marchés de l'art. Alors, elles m'ont expliqué à peu près comment ça fonctionnait. Il y avait un petit groupe d'enseignants permanents. Qui c'étaient ces enseignants permanents? C'étaient des docteurs de l'université, des docteurs en histoire de l'art. Et puis ensuite, on faisait venir des commissaires-priseurs, des antiquaires, etc. Le jour où l'université ne formera plus ces docteurs en histoire de l'art, comment on pourra même simplement alimenter en cadre d'enseignement des écoles de ce type-là? Et on pourrait le dire, encore une fois, pour l'ensemble des secteurs. D'où, si je reviens maintenant, et c'est mon dernier point, à l'université proprement dite, dans l'esprit de ce service public d'enseignement supérieur, dans l'ouvrage, nous faisons une suggestion pour continuer à attendre de l'université qu'elle accueille tous les publics, qui consisterait à mettre en place une année zéro, c'est-à-dire l'université aurait les mêmes droits que les autres cursus pour décider d'accueillir ou de ne pas accueillir dans ces cursus proprement dit, en année 1, si vous voulez, en année 1 de licence, mais mettrait à disposition une année de remédiation pour permettre à ceux qui le désirent, qui arrivent au niveau universitaire sans disposer des acquis nécessaires pour pouvoir mener un véritable cursus universitaire, une année zéro, donc, de formation générale, sanctionnée par un examen d'entrée à l'université, dont je pense que cela pourrait permettre, au final, d'augmenter le taux de réussite, c'est-à-dire, à la fois parce que ceux qui rentreraient en année 1, ne seraient plus tirés par le bas par une fraction du public qui n'est pas en situation de mener des études universitaires, et qui parfois d'ailleurs ne le désire pas, tout simplement, car on a une bonne partie du public qui tout simplement ne le désire pas. Simplement pour donner une référence, moi, donc à Nanterre en sociologie, nous avons aujourd'hui 50% des inscrits de première année qui sont issus de baccalauréat professionnel ou sciences et techniques tertiaires. 50%. Nous savons très bien qu'une bonne partie de ce public, tout simplement, n'est pas à la recherche d'études universitaires. Et ce n'est pas un reproche que je leur fais. C'est la situation sociale qui leur est faite. Donc, augmenter au final le pourcentage de ceux qui accéderaient à la licence, et de même aussi augmenter la durée moyenne d'obtention de cette licence, puisque nous savons très bien qu'aujourd'hui, le public qui rentre sans les acquis nécessaires va mettre 4, 5 ans, dans le meilleur des cas, pour effectivement obtenir la licence. Donc, c'est une suggestion comme une autre. Je suis bien conscient des problèmes politiques, idéologiques qu'elle pose. La seule chose que je voudrais vous dire, et c'est là-dessus que je conclue, c'est que il est temps, il est plus que temps de juger l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que l'on ne peut pas se contenter d'être dans un principe de rationalité en valeur, pour parler comme Max Weber, sans regarder les effets concrets de la situation présente, si on l'extrapole encore une fois, au nom de la défense d'une conception classique de l'université ouverte à tous, conception à laquelle j'adhère sur le principe, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une privatisation rampante, accélérée, qui aboutit à vider l'université de sa substance et à favoriser ce qu'il faut bien appeler des marchands de soupe.